Ça tue. Je cherche pas la belle vie, je la trouve. Je suis l'un de ces belles filles qui me courent derrière et qui pour moi mourent. Je suis plus au quartier, je suis entouré. J'ai des petits problèmes, mais t'inquiète, t'en fais pas. Toi, je te dirai plus rien parce que tu te tais pas. J'aimais traîner, j'aimais bien rentrer tard. Mais dégoûter des gens, c'est Netflix fait tard. Si tu m'as fait penser, si tu m'as senti bizarre. Si tu m'as fait du mal au côté suceur. J'ai que les petits jaloux m'ont dans le viseur. Maintenant, quand je rentre, je regarde le rétroviseur. J'ai bossé durement, je suis pas là par hasard. C'est pas pour rien tout ce qu'il y a dans la sac. Mon petit pochon a 5 ans dans le sac. J'ai pas un mot qui fait. Et j'en ai vu plus d'une heure. J'fais votre cache sacrée. J'ai le cerveau qui fume. Laissez-moi, j'suis sous la nuit. Et j'en ai vu plus d'une. Tout le monde. C'est pas pour apprendre les gens leur vie. Cet été faut que j'aille dans le maquis. Big up parce qu'ils gâteront sous Taki. Big up parce qu'ils lèveront du R1 Yamaha over 6000 Kawasaki. Tu sais rien, tu ramènes ta fraise. T'as vu, je rigole, mais je suis pas très heureux. J'ai un trésor. Je suis fort parce que j'ai vu tes horreurs. Laisse-moi, je suis sous la lune. J'fais vodka, chef, sacré. J'ai le cerveau qui fume. C'est moi, j'suis sous la lune.